Lévitique chapitre 20. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, tu diras aux enfants d'Israël, quiconque des enfants d'Israël, ou des étrangers qui demeurent en Israël, donnera de sa postérité à Molech, sera puni de mort, le peuple du pays l'assommera de pierre. Et je mettrai ma face contre un tel homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il aura donné de sa postérité à Molech, pour souiller mon sanctuaire, et profaner le nom de ma sainteté. Que si le peuple du pays ferme les yeux en quelque manière que ce soit, pour ne point voir quand cet homme-là aura donné de sa postérité à Molech, et ne le point faire mourir, je mettrai ma face contre cet homme-là, et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de mon peuple, avec tous ceux qui paillardent à son exemple, en paillardant après Molech. Quant à la personne qui se détournera après ceux qui ont l'esprit de Python, et après les devins, en paillardant après eux, je mettrai ma face contre cette personne-là, et je la retrancherai du milieu de son peuple. Sanctifiez-vous donc, et soyez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Gardez aussi mes ordonnances, et les faites, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Quand quelqu'un aura maudit son père ou sa mère, on le fera mourir de mort, il a maudit son père ou sa mère, son sang est sur lui. Quant à l'homme qui aura commis adultère avec la femme d'un autre, parce qu'il a commis adultère avec la femme de son prochain, on fera mourir de mort l'homme et la femme adultère. L'homme qui aura couché avec la femme de son père, a découvert la nudité de son père, on les fera mourir de mort tous deux, leur sang est sur eux. Et quand un homme aura couché avec sa belle-fille, on les fera mourir de mort tous deux, ils ont fait une confusion, leur sang est sur eux. Quand un homme aura eu la compagnie d'un mâle, ils ont tous deux fait une chose abominable, on les fera mourir de mort, leur sang est sur eux. Et quand un homme aura pris une femme, et la mère de cette femme, c'est une énormité, il sera brûlé au feu avec elle, afin qu'il n'y ait point d'énormité au milieu de vous. L'homme qui se sera souillé avec une bête, sera puni de mort, vous tuerez aussi la bête. Et quand quelque femme se sera prostituée à quelque bête, tu tueras cette femme et la bête, on les fera mourir de mort, leur sang est sur eux. Quand un homme aura pris sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, et aura vu sa nudité, et qu'elle aura vu la nudité de cet homme, c'est une chose infâme, ils seront donc retranchés en la présence des enfants de leur peuple, il a découvert la nudité de sa sœur, il portera son iniquité. Quand un homme aura couché avec une femme qui a ses mois, et qu'il aura découvert la nudité de cette femme, en découvrant son flux, et qu'elle aura découvert le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, parce qu'il aura découvert sa chair, ils porteront tous deux leur iniquité. Et quand un homme aura couché avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront leur péché, et ils mourront sans en laisser d'enfant. Et quand un homme aura pris la femme de son frère, c'est une ordure, il a découvert la honte de son frère, ils n'en auront point d'enfant. Ainsi gardez toutes mes ordonnances, et mes jugements, et observez-les, et le pays auquel je vous fais entrer pour y habiter ne vous vomira point. Vous ne suivrez point aussi les ordonnances des nations, que je m'en vais chasser de devant vous, car elles ont fait toutes ces choses-là, et je les ai eues en abomination. Et je vous ai dit, vous posséderez leur pays, et je vous le donnerai pour le posséder, c'est un pays découlant de lait et de miel. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai séparé des autres peuples. C'est pourquoi séparez la bête naide de la souillée, l'oiseau naide avec le souillé, et ne rendez point abominables vos personnes en mangeant des bêtes et des oiseaux immondes, ni rien qui rampe sur la terre, rien de ce que je vous ai défendu comme une chose immonde. Vous me serez donc saints, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparé des autres peuples, afin que vous soyez à moi. Quand un homme ou une femme aura un esprit de Python, ou sera devin, on les fera mourir de mort, on les assommera de pierre, leur sang est sur